Alors, formation dirigeant Lille. CPA. Tiens, c'est quoi ? Une formation diplômante dans un cadre vert partagé par des dirigeants et avec un retour sur investissement immédiat pour mon entreprise. C'est parfait, ça ! Allez, je télécharge la plaquette sur copimanagement.com. CPA, une formation CPI Management. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles et dans le cadre de notre journée France Inter intitulée « Toutes féministes », voici l'histoire du MLF ou Mouvement de Libération des Femmes. En octobre 2017, l'affaire Weinstein aux États-Unis secoue Hollywood, mais pas seulement. En France, les femmes s'emparent des hashtags Balance ton porc et MeToo pour dénoncer des agressions sexuelles. Via les réseaux sociaux ou par des prises de position publiques, la question des violences et du harcèlement contre les femmes s'est invitée au cœur de l'actualité dans de nombreux pays. Une fois encore, il a fallu qu'un scandale éclate pour que la parole se libère, pour qu'une réalité sociale souvent oubliée ressurgisse. Au cœur de ce combat, de ses origines, le MLF tient une place à part. Il symbolise, sans la résumer, la deuxième vague de la lutte des femmes pour leurs droits, les années mouvement de la décennie 70. Alors, quelle est leur histoire? Qui sont les femmes qui ont participé à cette mobilisation? Un demi-siècle après la révolution féministe des années 70, où en est l'égalité homme-femme aujourd'hui? Pourquoi la conquête de l'espace public ou privé reste encore à achever? Comment les combats féministes ont-ils évolué? Pourquoi la violence des rapports homme-femme est-elle encore si forte aujourd'hui? Notre invitée, Clémence Pajot, directrice depuis 2014 du centre Hubertine Auclair pour l'égalité femmes-hommes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Mézenob et Colline Borde, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, mercredi 26 août 1970. Elle s'appelle Anne, Cathy, Christiane, Emmanuel, Frédéric, Janine, Margaret, Monique ou Christine. Elles sont à peine une dizaine ce jour-là à s'être donné rendez-vous. Le petit groupe arrive en voiture au niveau de la place de l'Étoile. Parmi ces femmes d'âge divers, entre 20 et 50 ans, on croise surtout des anonymes, mais on reconnaît quelques personnalités comme l'écrivaine Christiane Rochefort. Alors qu'elles avancent vers l'Arc de Triomphe qui trône au milieu de la place, elles se retrouvent rapidement entourées de plusieurs journalistes. Et pour cause. Quelques jours plus tôt, elles les ont prévenues. Dans le Paris désert de la fin des congés, elles préparent une action en hommage et en soutien de leur sœur gréviste américaine qui célèbre par milliers, elle, le 50e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes aux États-Unis. Pour comprendre le coup préparé par la petite dizaine de manifestantes ici en France, il suffit de lire les slogans écrits sur les banderoles qu'elles commencent à déplier. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Sur une autre, on découvre cet autre slogan particulièrement bien trouvé. Un homme sur deux est une femme. Solennelles, elles se tiennent en rang derrière l'une d'entre elles qui porte une gerbe de fleurs dans les bras. Un hommage tout en ironie et en éclat pour marquer les esprits. Une démarche et une marche qui reprennent la geste des cérémonies officielles à la manière des anciens combattants, la tenue militaire en moins. Mais alors qu'elles n'ont pas fait 20 mètres en direction de l'Arc de Triomphe, les forces de l'ordre interviennent. Deux mois plus tôt, Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, sous la présidence de Georges Pompidou, a fait adopter la loi dite « anti-casseurs », symbole du retour à l'ordre, deux ans après les événements de mai 68. Photographes et journalistes ont à peine le temps de saisir les images de l'action et d'interroger les manifestantes du jour sur leurs revendications, que le groupe est interpellé et emmené au poste. S'il fallait trouver un acte de naissance, au moins médiatique, pour le mouvement de libération des femmes, ce mercredi 26 août 1970 fait figure d'événement privilégié, tant cette action contient, déjà sur le fond et dans le style, ce qui fera son succès. À l'heure des balbutiements, pour la première fois, la presse nomme, encore mal, ce mouvement qui pointe. Plus inattendu, la petite manifestation organisée à Paris par le mouvement de libération de la femme française. Oui, à l'Arc de Triomphe, un groupe de femmes dont l'écrivain Christiane Rochefort, auteur du Repos du guerrier, a voulu déposer une gerbe de fleurs en hommage à la femme du soldat inconnu. Nous voulons, disaient les militantes, nous solidariser avec les plus inconnues, les plus obscures, les plus humiliées des femmes. La police a dispersé les manifestations et emmené plusieurs militantes au poste pour vérification d'identité. Le mouvement de libération de la femme française. Les journalistes reprennent l'expression du mouvement des Women's Lib américaines. Pourquoi pas ? Répondent les premières concernées. Mais ce sera des femmes, et non pas de la femme. Car si mouvement il y a, il les concerne toutes dans leur diversité de parcours, de situation ou de conscience. On peut donc aussi se passer du « française ». Et si le mouvement de libération des femmes, bientôt siglé MLF, naît symboliquement dans la foulée de cette action d'éclat, il trouve ses racines quelques années plus tôt. Comme souvent, tout commence par une rencontre. De femmes entre elles, de groupes entre eux, et puis de tous face aux événements de l'histoire. D'abord, en 1967, il y a deux étudiantes, Anne Zelensky et Jacqueline Feldman. Elle se rencontre au séminaire de la sociologue féministe André Michel et fonde, cette année-là, le FMA, acronyme de Féminin, Masculin, Avenir. Pour elle, les groupes existants, comme le mouvement démocratique féminin, sont trop éloignés des enjeux de l'époque. C'est l'ordre patriarcal et ses bases, l'oppression, le mariage, la sexualité qu'il faut combattre. Quelques mois plus tard, en 1968, le petit groupe se retrouve plongé au cœur des événements de mai. Stimulé par la révolte étudiante dans la Sorbonne occupée, le FMA organise le seul meeting sur les femmes et le groupe alors se radicalise. Comme l'indique sa nouvelle appellation, désormais le FMA sera féministe, marxiste et action. Mais au lendemain de ce mois de mai historique, le réveil pour ces jeunes femmes est double. Si l'insurrection confirme la critique des institutions, invente de nouvelles formes de lutte et consacre la force des collectifs, elle s'est une fois encore écrite au masculin. À aucun moment, non, les femmes et leurs revendications n'ont réussi à se faire entendre. Un constat que dresse un autre groupe, les Petites Marguerites, dès l'automne 1968, formées autour de l'écrivain Monique Wittig ou de la professeure Antoinette Fouque. Ces groupes, pour le moment épars, poussés par les mouvements de gauche révolutionnaires du moment, animés par des femmes aux parcours différents, réunis autour de revendications diverses, tous arrivent à la même conclusion. Leur combat doit reposer sur un principe radical, fort, nécessaire, la non-mixité, comme l'explique l'une d'entre elles. En un premier temps, il est drôlement important de se regrouper entre femmes et de voir pourquoi on n'a pas pu ni faire ni dire. Alors... C'est en ça, je crois qu'effectivement, un regroupement uniquement entre femmes permet ce travail. Et ensuite, de retourner dans un monde mixte et exprimer ce qu'on a trouvé en réfléchissant entre femmes. Donc, de toute façon, le fait d'être entre femmes représente une force qui nous permet la reconnaissance à l'existence qu'on nous a toujours niée. Oui. C'est une chose que les hommes admettent difficilement, de savoir qu'il y a un endroit où il y a des femmes et qu'eux ne peuvent pas y entrer, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt l'inverse qui se passait. Ils sont obligés d'avoir une réaction par rapport à ça. Ils se sentent agressés, ils sont obligés de comprendre, ils sont obligés de voir qu'on existe quelque part, d'une façon autonome. Tout s'accélère au printemps 1970. Le 21 mai, à l'université expérimentale de Vincennes, se tient la première réunion publique non mixte de femmes. Le même mois, l'Idiot International publie un texte signé des sœurs Wittig, intitulé Combat pour la libération de la femme, où elle dénonce le sexisme, terme emprunté à leurs consoeurs américaines. En juillet, la revue Partisan consacre un numéro spécial écrit uniquement par des femmes et intitulé « La libération des femmes, année zéro ». Des thèmes communs traversent ces différentes publications. La conscience d'un état de servitude de la femme, le sentiment d'être un peuple dans un peuple, la libération sexuelle revendiquée. À la lecture des unes de journaux, les groupes isolés constatent, malgré leurs différences, des idées communes. La plupart de ces femmes ont lu un livre, paru 20 ans plus tôt qu'on se passait discrètement, de main à main, et où il était écrit pour la première fois des choses ressenties depuis si longtemps. Pour beaucoup, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, car il s'agit bien de cet ouvrage, est une révélation. Avec cette idée principale, aussi puissante que limpide, on ne naît pas femme, on le devient. Si ces jeunes femmes connaissent l'histoire des luttes féministes passées, longues et sinueuses pour leur droit à s'instruire, travailler ou voter, elles savent aussi que ça ne suffit pas. C'est désormais dans le champ culturel, dans les mentalités, que le changement doit avoir lieu. Alors, il faut marquer les esprits par des actions visibles dans la rue. Elles étaient à peine une dizaine à l'Arc de Triomphe. Elles sont déjà 40, deux mois plus tard, pour s'enchaîner aux grilles de la prison des femmes de la Petite Roquette à Paris. De nouveau, la force des slogans. Prostituées, voleuses, ménagères, filles mères, homosexuelles, hétérosexuelles, militantes, nous sommes toutes sœurs. Et puis, le 20 novembre 1970, elles sont encore plus nombreuses pour leur troisième grande action publique. À Versailles, le magazine Elle organise des états généraux de la femme. Le MLF s'y invite et perturbe cette manifestation qui se veut moderne et féministe, comme l'explique très maladroitement le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas dans son discours d'ouverture. Le travail en compagnie des femmes est un travail qui se déroule dans une atmosphère particulièrement efficace, sans parler de l'agrément. Mais il ne faut surtout pas confondre égalité et identité. Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine, dans quelque domaine que ce soit, à quelque échelon que ce soit, comme identique à une carrière masculine? Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité. Pour les femmes du MLF, voici une fois encore, sous couvert de progressisme, les clichés qui perdurent. Les premières actions publiques du MLF sont toujours à destination des femmes. C'est vers elles, pour elles, qu'elles luttent. Après ces premiers happenings, le mouvement est véritablement lancé. Partout à travers la France, de petits groupes naissent. Qu'on les rattache ou non au MLF, peu importe. Le mouvement se veut horizontal, sans hiérarchie, sans porte-parole, sans représentant. Il n'y a pas de programme, pas de militants, non. Juste des femmes qui se réunissent entre elles. Nous la rompons, nous leur faisons le basculement, la transition. Dès l'automne 1970, tous les jeudis de 6 à 8 heures, les Beaux-Arts de Paris accueillent les assemblées générales du MLF où affluent bientôt des centaines de participantes. Certaines, d'abord réticentes à l'idée d'exclure les hommes, comprennent rapidement l'importance d'une décision si radicale. En leur absence, en effet, la parole est plus libre. On témoigne, on raconte des choses qui n'auraient jamais été dites en présence masculine. Ces assemblées générales sont à l'image du mouvement, une ambiance survoltée où les différentes tendances s'affrontent dans l'ivresse d'une parole libérée. D'un côté, il y a la tendance marxiste pour qui l'abolition du système capitaliste permettra la fin des inégalités hommes-femmes. De l'autre, la tendance psychanalyste et politique pour qui l'affirmation de l'identité féminine est primordiale. Ou encore, la tendance révolutionnaire pour qui la lutte contre le patriarcat doit être la priorité absolue. Après des années de reflux, la plupart de ces groupes reprennent alors contre le féminisme. Cette idée est tombée en désuétude dans les années 50 et 60. Alors, on la repolitise, on lui applique de nouvelles formes de lutte, avec provocation et humour, que l'on retrouve dans les différentes publications du MLF. La plus célèbre, Le Torchon Brûle, journal à diffusion menstruelle, bien trouvé là encore, écrit, imprimé, vendu par les femmes elles-mêmes. Porté par un élan commun, c'est surtout autour d'un combat que le MLF se structure. Un combat sur lequel la comédienne Catherine Deneuve est interrogée. Alors justement, vous avez vu prendre position récemment dans un manifeste qui concernait plus ou moins la libération de la femme. Très précisément. Très précisément même. C'est le seul et le premier manifeste que j'ai jamais signé, parce que c'est vrai, je suis pour la liberté de la femme, dans ce point précis sur le problème de l'avortement, oui. Est-ce que vous croyez qu'en 71, en France, la femme est ou non libérée? Je crois que c'est un problème très personnel et qui concerne chaque femme en particulier. Je crois qu'à des choses, à des lignes générales sur des problèmes comme celui de l'avortement, je crois à une ligne de conduite générale. Sur le reste, je crois que c'est une affaire de cas particulier, comme je vous l'ai dit il y a deux minutes. Quelle est donc cette tribune signée par l'actrice ? depuis plusieurs mois déjà, s'est constitué au sein du MLF un groupe avortement. Le mouvement a fait de la libération et de la réappropriation du corps de la femme le fer de lance de son combat. Il apparaît donc essentiel de concentrer les premiers temps de la lutte à ce sujet, et à commencer par ce constat. Plus d'un million de Françaises avortent chaque année illégalement, et de 250 à 300 femmes meurent de cette opération pratiquée dans la clandestinité. Depuis les années 50, le mouvement du planning familial, puis la loi de Wirth, votée en 1967, ont permis l'autorisation de la contraception. Mais sur l'avortement, rien. Pour les femmes du MLF, il faut absolument mettre en avant ce sujet, en faire un thème d'actualité. Le groupe avortement du MLF rédige donc un manifeste pour réclamer l'avortement libre et gratuit. Participant à ce groupe, Anne Zelensky et Christine Delphi cherchent une tribune pour le publier. Elle rencontre alors Nicole Mushnik, journaliste au Nouvel Obs et proche du MLF. Ensemble, elles imaginent une stratégie. Publier la tribune dans le magazine et surtout la faire signer par des célébrités auxquelles le pouvoir ne pourra pas s'attaquer. Pourtant, en assemblée, l'idée ne convainc pas. Faire participer des personnalités, c'est rompre avec la volonté d'anonymat du mouvement. En face, on défend le projet au contraire, car c'est une manière forte de parler de l'avortement. Eh bien, c'est cette tendance qui l'emporte. Alors, on commence à faire jouer son réseau. Ainsi, dans le manifeste publié le 5 avril 1971, Jeanne Moreau, Bulogie et Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve se mêlent aux inconnus pour une liste finale de 343 femmes qui affirment publiquement avoir avorté. Malgré les réticences, les faits escomptés sans précédent. D'un coup, l'avortement s'impose dans le débat et en une des médias. On s'en moque, comme Charlie Hebdo qui rebaptise la tribune d'une question qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement. Une attaque à l'image du traitement du MLF par les journalistes depuis le départ. Il faut dire, sans les excuser pour autant, que les médias sont perturbés par ce mouvement sans leader, ni programme, non mixte, par ces femmes proches des mouvances gauchistes et pourtant détachées des organisations habituelles, capables d'actions, d'éclats, provocantes ou ironiques, ou les deux. On les traite avec condescendance, voire par l'insulte, hystérique, lesbienne, mal baisée. Et puis, on a du mal à saisir ce qu'elles veulent, à vrai dire. Le progrès prend du temps, enfin tout de même, la loi avance, et quand on compare leur situation à celle de leurs ancêtres, on se demande pourquoi ces femmes font tant de bruit. Qu'à cela ne tienne, le MLF poursuit sa route. Le 20 novembre 1971, 2000 de ses militantes se rassemblent dans les rues de Paris pour la première grande manifestation du mouvement. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Un seul incident durant ce défilé pour montrer leur opposition au lien du mariage, 300 manifestantes se sont détachées du cortège en passant devant l'église Saint-Ambroise et ont pénétré dans l'église où avait lieu un mariage. Au milieu des chants et des slogans, les symboles du mouvement se consolident, toujours inventives. Les deux mains levées, par exemple, réunies entre pouce et index, dessinant un sexe féminin contre le point levé phallique et donc masculin, voilà une image qui frappe les esprits. Il aura donc fallu un an pour que le MLF s'impose dans le paysage politique et social de l'après-mai 68 et pour que le féminisme renaisse de ses cendres. Et ce n'est pas fini. Bientôt, le temps des victoires viendra confirmer la nécessité du combat mené par ces femmes. Debout. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Un autre procès commence ce matin. Son cadre, le tribunal pour enfants de Bobigny. Le nom de l'inculpé, Marie-Claire, sa faute, s'être fait avorter. L'affaire Marie-Claire, c'est une affaire bien banale. Marie-Claire a 17 ans maintenant. Il y a 2 ans, elle rencontre un garçon. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Marie-Claire n'a bien sûr pas de travail. Elle ne peut élever son enfant. Sa mère est veuve et ne touche qu'un salaire bien petit pour entretenir ses 3 enfants. Alors on en parle à quelques amis, on en discute et on trouve la solution. Ce sera l'avortement, je vous le disais, une affaire bien banale. Pourtant, aujourd'hui, Marie-Claire est devant le tribunal pour enfants de Bobigny. Elle fera partie vraisemblablement ce soir des 500 ou 600 femmes condamnées annuellement en France pour le même motif. 500 ou 600 condamnations pour 1 million d'avortements par an. C'est peut-être trop peu, mais c'est peut-être aussi trop. Contrairement à la provocation volontairement ironique du journaliste qui dénonce la banalisation de la situation en France en cette année 1972, eh bien le procès de Bobigny ne sera pas une énième démonstration de l'injustice. Non. Pendant 2 mois, Gisèle Halimi, l'avocate des accusés, transforme ce procès en tribune politique. Soutenue à l'extérieur par des militants du MLF, la pression médiatique exercée sur le tribunal arrive à ses fins. Les 2 femmes, la mère et la fille, sont en effet relaxées. Une décision en forme d'aveu, la justice n'a pas condamné l'avortement. Pour toutes les femmes du MLF, il faut se servir de cette décision historique pour maintenir et renforcer le combat. Dans la foulée du procès, c'est au tour de 331 médecins de signer un manifeste où ils affirment avoir aidé des femmes à avorter. Des organisations d'extrême-gauche et les femmes du MLF fondent alors le MLAC, Mouvement pour la Liberté d'Avortement et de la Contraception. Organisation informelle, le MLF se structure alors en groupe officiel pour défendre une cause en particulier. Pendant ce temps, du côté du pouvoir et des institutions, les premiers effets du mouvement se font sentir. Arrivé à l'Élysée en 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing entend bien montrer sa modernité affichée sur ce terrain-là aussi. Il crée un secrétariat à la condition féminine et enchaîne des décrets. Mixité pour tous, les concours de la fonction publique, interdiction d'offres d'emploi sexistes, pénalisation du licenciement en fonction du sexe ou de la situation familiale. Et puis finalement, le 26 novembre 1974, Simone Veil fait voter la loi qui libère l'avortement. Une victoire historique sur laquelle les femmes du MLF ne comptent pas se reposer. On est enceinte, on aurait voulu se faire avorter. Pourquoi pas ici? Pas ici, le professeur ne fait que les avortements thérapeutiques. Mais pourquoi il ne le veut pas? Je comprends pas, puisqu'il y a une loi qui est passée, qu'est-ce qu'elles vont faire les femmes en France? Il faut que vous alliez dans les établissements où ils le font. Vous savez où on peut aller? Je ne sais pas, je ne les connais pas. Il faudrait que vous adressiez au planning familial. Le planning familial nous a dit de venir dans les hôpitaux, puisque maintenant c'était légal. En plus, professeur Jacob, tout le monde a fait des articles donnant le feu vert. Alors ceux qui le donnent le feu vert, bon, ben, ils acceptent de le faire, mais ici, le professeur ne le veut pas. Pendant les mois qui suivent l'adoption de la loi, les militants du MLF sont là pour appuyer son application, dénoncer les services hospitaliers où l'opération est refusée, critiquer le manque de moyens mis en œuvre pour appliquer la loi. On les retrouve aussi du côté des ouvrières en grève chez LIP, par exemple, une manière d'élargir le champ social de leur combat. Surtout, les femmes du mouvement se méfient des risques de récupération de leur combat. Si l'année 1975 est consacrée comme année de la femme, les militantes reprennent les méthodes qui ont fait leur succès. On les voit à Berne, en Suisse, intervenir pendant le congrès de l'année de la femme, prendre la parole et organiser un anti-congrès face à ce qu'elles estiment être une nouvelle manière de prolonger les clichés de genre. Enfin et surtout, elles s'attaquent à de nouveaux combats, au premier rang desquels le viol, qui, comme le montre cet échange entre une victime et un commentateur, doit être profondément débattu. Les femmes, elles ne veulent plus se taire. Les femmes, elles veulent crier qu'elles en ont marre, elles en ont marre d'être violées, elles en ont marre d'être battues, elles en ont marre d'être sifflées dans la rue, elles en ont marre d'être pelotées, et ainsi de suite. Et c'est ça aussi qui est important. La première idée qu'on a quand on a été violée, c'est de se terrer, de se cacher. On a l'impression d'avoir tellement été nié, d'avoir été écrasé, de plus exister du tout, c'est vrai qu'on n'a pas du tout une attitude offensive. Je crois qu'il ne faut pas être d'un pessimisme absolu et noir à ce sujet. On peut même se demander si un certain nombre de femmes ne portent pas plainte parce qu'elles ont été tranquillement remises sur les rails d'une vie sexuelle normale, assouvissante, affectueuse et dans de bonnes conditions. Une fois encore, sur ce sujet, le MLF contribue à modifier la perception de la société. Jusque-là, le viol, que la loi ne considère pas comme un crime et qui, lorsqu'il est jugé, débouche sur des peines particulièrement clémentes, était souvent vécu comme une honte par de nombreuses femmes. Eh bien, les militants du MLF, par leur tribune et leur action, renversent la perspective. Parce qu'elles en font un objet de débat sur la place publique, parce qu'elles en dénoncent la violence réelle et symbolique, elles rendent visible l'oppression. S'opère alors un basculement dans la projection. Désormais, la faute n'est plus sur les femmes, qui l'auraient bien cherché, argument odieux, mais qu'on a si souvent entendu, mais sur les violeurs, coupables de ce qui doit être désormais considéré comme un crime. De nouveau, la lutte s'enracine dans le concret. On voit apparaître des centres d'accueil pour femmes battues, qui au fil du temps ouvrent leurs portes à de plus en plus de victimes. Dans le même temps, après 1975, le mouvement s'oriente vers la mise en place d'outils de diffusion plus vastes. Si le torchon brûle s'arrête en 1973, il est remplacé par de nombreux journaux, revues ou magazines dirigés par des femmes, écrits par des femmes, à destination des femmes. Des librairies voient le jour, ainsi que des maisons d'édition. La plus importante, sans doute, est celle d'Antoinette Fouque, du groupe Psychanalyse et Politique, avec son édition des femmes. Antoinette Fouque, qui dès 1976 tient à marquer ses distances avec certains aspects du MLF. Moi, je crois que je n'ai jamais été féministe, que je ne le suis jamais devenue, parce que le devenir, ça aurait été effectivement entrer dans quelque chose, je veux dire, tout d'un coup changer ma manière de vivre pour entrer dans quelque chose qui existait. J'ai toujours su qu'il y avait le féminisme, je n'ai jamais pu adhérer à une idéologie féministe. Et il m'est apparu, entre autres, très vite, qu'une des choses qui venait aussi m'opprimer, ça pouvait bien être une certaine idéologie féministe, un certain nombre de modèles que des femmes qui étaient féministes depuis longtemps, qui avaient prévu, ou qui avaient imaginé, ou qui avaient même été à l'initiative de cette espèce de rupture qui était le mouvement des femmes, que cette idéologie féministe, donc, pouvait, sur certains points, me brimer aussi et m'opprimer. En tant que femme qui essayait de dire ses points de lutte, ses moments de contradiction, bon, ses oppressions. En germe déjà les signes de la rupture, car si le combat réunit, les luttes divisent au fil des mois. Ce qui a fait le succès du MLF, cette réunion informelle de groupes épars et divergents, se retourne bientôt contre lui. Au cœur de la scission, un débat entre les universalistes et les différentialistes. Les premières s'inscrivent dans les pas de Simone de Beauvoir, quand les secondes en critiquent l'héritage. Ces dernières, emmenées par Antoinette Fouque, voient le féminisme comme un machisme au féminin. Selon elle, Beauvoir nie la différence fondamentale entre les deux sexes et l'identité féminine propre qu'il faut sauvegarder et surtout affirmer. Ces divisions éclatent au grand jour le 6 octobre 1979. Pourtant, ce jour-là, tout avait bien commencé avec une immense manifestation du MLF dans les rues des grandes villes de France, comme ici à Paris. Des femmes dans la rue, des femmes qui chantent, qui hurlent et qui scandent leur droit à l'autodétermination, leur droit à disposer de leur corps. Comme en 73, la bataille de l'avortement a fait descendre les femmes dans la rue. Mais cette fois-ci, elles étaient plus de 50 000 à défiler de Denfert-Rochefort au Champ de Mars. Une marée humaine de femmes de tous âges, de tous milieux, souvent accompagnées de leurs maris et enfants. Elles sont aussi venues de Toulouse, de Tarbes, de Besançon ou de Quimperlé. Pourquoi vous venez de Quimperlé ? Bien parce que ça fait 5 ans qu'on lutte à Quimperlé pour avoir un centre d'IVG et on se cogne sans arrêt à des blocages. Ah, je suis tout à fait solidaire. Je trouve qu'il est urgent, urgent d'agir pour que la loi soit revotée et même élargie éventuellement. Ces femmes qui réclament l'avortement libre et gratuit se veulent de tous les horizons et se démarquent de toutes les organisations politiques. Mais ce même jour, dans le plus grand secret, trois femmes, Antoinette Fouque, Marie-Claude Grumbach et Sylvaine Boissonnat, déposent à la préfecture de police une association, le Mouvement de Libération des Femmes, MLF. Un nom ensuite inscrit comme marque à l'Institut de la Propriété Industrielle et Commerciale. Le mouvement, qui n'appartenait à personne, se retrouve donc propriété privée à l'encontre de ses méthodes originelles. Alors la critique est unanime, les éditions des femmes d'Antoinette Fouque sont boycottées et la division actée. Une division qui va gêner pendant longtemps l'héritage et la mémoire de ce mouvement. Antoinette Fouque n'hésitant pas à écrire une nouvelle version de cette histoire, le MLF serait né en 1968 au cours d'une réunion chez elle, le jour de son anniversaire. Évidemment, ces controverses n'aideront pas un mouvement qui, comme ses contemporains révolutionnaires à l'extrême gauche, subit un reflux à la fin des années 70 et au début des années 80. Le féminisme est repris par les institutions, le pouvoir et les partis politiques. Le temps du combat paritaire et légal s'ouvre quand l'action et la provocation s'effacent. Reste que par sa radicalité, les thèmes qu'il a mis en lumière, la parole qu'il a libérée, les victoires qu'il a remportées, le MLF est un moment crucial de l'histoire des femmes. Il a rappelé que ce combat d'un genre concerne l'ensemble de la société, ce que l'actualité de ces derniers mois vient de confirmer. Thank you. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Journée spéciale sur France Inter, intitulée « Toute féministe ». Et dans le cadre de cette journée, nous vous avons raconté l'histoire du MLF que nous vous avions déjà raconté il y a quelques années. C'est une rediffusion. Donc nous allons parler de ce thème important du combat des femmes pour l'égalité, notamment et contre la violence qui leur est faite. On va en parler avec notre invitée, Clémence Pajot. Bonjour. Bonjour. Alors, Clémence Pajot, vous êtes à la tête d'une organisation qui défend la condition des femmes et qui s'appelle Hubertine Auclair. Et j'aimerais qu'on rende hommage aussi à Hubertine Auclair, au passage. Et qui nous montre, entre autres, que les journalistes peuvent être utiles à la société. Car elle était journaliste, entre autres. C'est vrai. Avant de mettre à l'honneur le MLF, on peut rendre hommage à aux féministes qui ont précédé ce mouvement au 19e siècle. Hubertine Auclair, elle s'est battue pour les droits politiques des femmes. Et c'est la première Française à avoir revendiqué les droits politiques pour les femmes. Ce qui, à l'époque, était totalement radical, hein, puisque les féministes se battaient pour des droits sociaux, le droit de divorcer, le droit de travailler. Et elle disait, tant qu'on sera pas, on n'aura pas le droit de voter et surtout d'être élu, d'être dans les instances qui font les lois, on sera toujours subordonné et dominé par les hommes. Et puis elle avait des modes d'action aussi qui étaient absolument radicaux, qui font écho aussi aux activistes d'aujourd'hui. Elle n'hésitait pas à faire la grève de la grève des impôts, par exemple, en disant tant que je ne serais pas reconnue comme citoyenne, il n'y a pas raison que je paye d'impôts. Elle n'hésitait pas à mener des actions spectaculaires en renversant des urnes pendant les élections. Et c'est vrai que c'est une femme qu'on admire beaucoup parce que elle a été vraiment précurseuse. Et on s'identifie beaucoup à ces combats encore aujourd'hui. C'était important de lui rendre hommage en donnant son nom à notre centre. Le centre Hubertine Auclair, dont vous êtes la directrice depuis 2014. Alors, après le récit qui racontait cette période de lutte féministe des années 70 et la création du MLF, alors on aurait pu croire que cette lutte des femmes a fait avancer les droits et l'égalité femmes-hommes. Alors on va tirer le bilan, à commencer par ce qui a vraiment progresser et tout ce qu'il reste à faire. J'imagine que le deuxième chapitre sera plus long que le premier. Mais enfin, il y a eu des progrès et heureusement, quels sont ces progrès? Ah oui, alors il faut vraiment rendre hommage à ces femmes qui se sont battues au sein du mouvement de libération des femmes parce qu'elles ont obtenu des avancées très importantes. La plus grande, c'est la loi sur l'avortement, vous pensez? Alors il y en a eu un certain nombre, notamment dans le champ du droit des femmes à disposer de leur corps, hein, avec la loi pour l'IVG en 75, qui a été une révolution pour les femmes. Il y a eu également la loi qui a permis de pénaliser le viol, qui est arrivé un peu plus tard, en 80, mais qui est vraiment le résultat de ces mobilisations. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elles avaient déjà une vision transversale de toutes les discriminations subies par les femmes dans l'ensemble des champs de la société. Elles revendiquaient des droits économiques, des droits sociaux, mais aussi des droits politiques pour les femmes. Donc, elles se sont battues sur tous ces champs-là, et elles nous ont transmis cet héritage qui est complet. Elles nous ont transmis aussi un héritage dans la manière dont elles ont revendiqué ces droits, avec des actions qui mêlaient l'humour. On a tout à l'heure, on a entendu un petit reportage sur le moment où elles ont déposé la gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Et elles maniaient comme ça l'humour à travers des actions, mais aussi des slogans qu'elles nous ont transmis. Elles nous ont transmis aussi cette action collective, le fait ces grandes mobilisations qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis il y a un certain nombre d'associations qui sont nées de ce mouvement, comme par exemple le planning familial, qui continue à être ô combien important, une association essentielle. Le collectif français contre le viol, qui est bien connu par toutes les victimes de viol. Et puis enfin, elles ont eu aussi cette volonté de lever des tabous dans la société qu'on retrouve encore aujourd'hui. On a encore un certain nombre de tabous que je trouve intéressants. Enfin, c'est intéressant parce qu'il y a c'est des tabous. Par exemple, les règles. Les règles, ça reste encore un tabou dans notre société. La sexualité des femmes, ça reste, et le plaisir féminin, ça reste encore un tabou dans notre société. Les violences gynécologiques. C'est aussi un tabou. Les femmes ont du mal à parler de ce qu'elles vivent pendant leur accouchement. Parfois, ça se passe très bien, et souvent, d'ailleurs, ça se passe très bien, mais pas toujours. Et ça, c'est aussi un tabou. Autre tabou, me semble-t-il, les violences dans l'intimité, violences conjugales, rapports sexuels non consentis dans l'intimité. La sphère publique a parfois un petit peu de mal à mettre son nez dans la sphère intime, parce qu'elle est intime, c'est un problème. Vrai. Alors, elles ont défendu l'idée très forte que le privé est politique. Et que tout ce qui se passe dans, justement, la sphère privée, on parlait du viol conjugal, qui est condamné maintenant depuis 2006, mais ça a été très long. C'était très long. Le viol conjugal, mais aussi les violences conjugales qui peuvent être d'ailleurs aussi des violences psychologiques, hein, pas uniquement des violences physiques ou sexuelles. Et elles ont réussi à imposer l'idée, donc, que le privé est politique. Et c'est une revendication qui est encore très très forte aujourd'hui et qui n'est pas encore passée dans notre culture. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, même si ça évolue, hein, et on le voit dans le traitement médiatique des féminicides, et c'est très récent, jusqu'à aujourd'hui, on considérait encore qu'un féminicide était un drame conjugal, un drame passionnel. C'est en train de changer, mais ça a été très long, il a fallu 50 ans pour que, effectivement, on reconnaisse, pour les violences, ce qui est des violences conjugales, en tout cas que le privé... et politique. Alors, sur le deuxième sujet, on va, parce que ce serait long, mais quels sont, à votre avis, les combats prioritaires de la femme pour que sa condition soit l'égale des hommes aujourd'hui? C'est quoi l'urgence aujourd'hui? Moi, je pense que c'est important de dire que les combats qu'elles ont engagés ne sont pas terminés. C'est-à-dire qu'elles ont obtenu des droits nouveaux dans la loi. Il y a un certain nombre de droits qui sont maintenant inscrits. Mm-hmm. Le problème aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de la loi. Par exemple, le droit à l'IVG, c'est un droit acquis pour les femmes, mais c'est un droit avec un risque de recul qui est très fort. On le voit aux États-Unis, en Italie, hein, où on a appris récemment que 70% des médecins refusaient de pratiquer l'IVG. Donc, il y a un risque de recul très fort. Et en France aussi, puisque depuis 10 ans, on a quand même un centre IVG sur 5 qui a fermé. Donc, pour les femmes au quotidien, pratiquer l'IVG, ça peut être vraiment un parcours de la combattante. vous vous souvenez de ce président d'un syndicat de gynécologues qui a affirmé il y a pas longtemps qu'il était contre l'IVG. On voit que dans la réalité, c'est pas un droit qui est reconnu par tout le monde. L'autre priorité, j'imagine, pardon, je vous bouscule un peu parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et le temps passe très très très vite. Les violences faites aux femmes, les violences sexuelles dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est une autre, j'imagine, une autre grande grande priorité, le combat contre cette dérive-là. Si la loi reconnaît aujourd'hui le viol comme un crime, aujourd'hui, 7 plaintes sur 10 sont classées sans suite. 7 plaintes sur 10. La réalité pour les femmes qui dénoncent et qui portent plainte pour des violences sexuelles, c'est la baisse continue des condamnations. 25% de condamnations en moins depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a moins 40% de condamnations pour viol. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dichotomie entre la parole qui est libérée, les plaintes qu'on entend jusque dans les sphères médiatiques les plus hautes, et notamment en passant par les Césars, il y a une dichotomie entre ces plaintes-là, cette action, et finalement les réponses de la justice. Oui, et on comprend mieux pourquoi les femmes hésitent à porter plainte. D'abord parce que le parcours, quand on dépose plainte, est un parcours qui est douloureux, qui est coûteux aussi, et l'issue est très incertaine. Il y a vraiment besoin de mieux former la police et d'améliorer les conditions du dépôt de plainte dans les commissariats et le recueil des plaintes pour améliorer la condamnation des violences sexuelles en France aujourd'hui. On va écouter une grande voix, si vous voulez, du féminisme, quelques minutes, celle de l'anthropologue Françoise Héritier, décédée en 2017. Je précise qu'il s'agit d'une interview qui avait été enregistrée en 2015. On a fait des progrès gigantesques. Malheureusement, je crains que les jeunes filles, notamment les très jeunes, se prennent au miroir aux alouettes, s'imaginent, parce que les réformes ont eu lieu, que tout est acquis, ce qui n'est pas le cas. Non, les femmes ne sont encore pas, dans notre pays, exactement libres, comme les hommes. Demander à une femme de rentrer de nuit à 2h du matin dans un parking, en arrêtant sa voiture dans un parking, dans un quartier de mauvaise réputation, et qui avec ensuite du chemin à parcourir dans la nuit, elle n'appréciera pas beaucoup. Beaucoup de femmes ont toujours peur. La rue, comme on dit, maintenant c'est devenu un leitmotiv. Il faut que les femmes se réapproprient la rue. Mais rien que ça. Vous imaginez l'idée que vous ne pouvez pas vous trouver à votre aise dans un espace public. Bon, c'est toujours le cas encore aujourd'hui pour les femmes. Alors qu'est-ce qui reste à changer? C'est la volonté politique d'abord. Hein, il faut véritablement qu'on se rende compte que c'est du fondamental tout autant que le problème écologique. Enfin, les problèmes de la relation homme-femme, c'est ce sur quoi sont basées nos sociétés. Et si on ne le change pas, ça sera l'énorme échec de l'humanité. L'énorme échec de l'humanité. Humanité, elle dit bien humanité, parce que finalement le combat féministe est un combat d'abord humain, qui consiste à dire il n'est pas normal qu'une partie, une moitié de l'humanité traite l'autre moitié de cette façon. Donc c'est un combat humain, c'est un combat pour une société plus humaine, plus harmonieuse. Vous le prenez comme ça, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça fait écho à ce que dit Françoise Nourricier. Merci, c'est agréable de réentendre Françoise Héritier, qui est une figure extrêmement inspirante, et qui nous a beaucoup transmis. À travers son regard justement sur la valeur différentielle des sexes, qui montre que dans notre société, ce qui est catégorisé comme féminin et ce qui est catégorisé comme masculin est encore est totalement hiérarchisé, et que pour les femmes qui décident de s'écarter des valeurs féminines pour aller vers des valeurs masculines, ce sera pour elles une promotion dans notre société, tandis que pour les hommes qui s'écartent des valeurs masculines pour aller vers les valeurs féminines, ils seront au contraire disqualifiés et critiqués et humiliés. Et Françoise Héritier, là, dans cet extrait, dit quelque chose de très important autour de la question de la place dans l'espace public, puisque c'est un sujet qui a été beaucoup débattu et mis à l'ordre du jour sur l'agenda politique ces dernières années. Avec l'affaire Marie Laguerre, notamment. Oui, notamment grâce à Marie Laguerre, qui a vraiment mis ce sujet sur le devant de la scène. Il ne faut pas oublier que la ville, elle a été construite par les hommes, pour les hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes cantonnées à l'espace domestique étaient toujours considérées comme, et sont encore considérées comme suspectes quand elles sont dans la rue et qu'elles traînent dans la rue. Donc il y a vraiment une révolution à mener sur l'usage et les usages de l'espace public, qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui pour les femmes et pour les hommes, parce que les rôles sociaux auxquels sont assignés les femmes et les hommes les amènent à avoir des usages différents, et aussi bien dans les politiques d'urbanisme que dans les politiques de transport, d'aménagement des espaces publics. Il faut prendre en compte justement tous ces usages pour faire en sorte que la ville soit appropriée et soit accueillante pour toutes et tous. Et ce qui est intéressant, c'est quand, par exemple, on construit on fait en sorte que les trottoirs soient davantage accessibles pour les poussettes, et ben on répond aussi à un besoin des personnes à mobilité réduite. Quand on met en place des bancs dans l'espace public pour permettre aux femmes, aux enfants et aux hommes de stationner dans l'espace public, on répond à un besoin des personnes âgées qui ont besoin également de s'asseoir. Enfin, c'est encore des conquêtes à mener. Alors on a écouté Françoise Héritier, on se souvient que dans les années 60 et 70, certains esprits pas très éclairés continuaient à dire le sexe faible. Mmh. Et puis un jour, c'est quand même terrible de dire ça, et puis un jour, Simone de Beauvoir, elle a dit le deuxième sexe, alors c'est très différent. Simone de Beauvoir reste pour le combat féministe une référence. Une figure tutélaire. Figure tutélaire, oui, c'est ça, on est d'accord. Bien. Ça paraissait évident, moi je voulais vous le demander quand même. Alors, on en arrive à l'actualité, et j'ai envie d'avoir votre position là-dessus, parce que c'est un vrai débat autour de Polanski, de son film, des Césars, la fameuse question, faut-il séparer l'œuvre de l'homme et de ce qu'a fait l'homme en l'occurrence. Quelle est votre position là-dessus? Moi, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il n'y a que dans le domaine de l'art qu'on se pose la question. Quand on voit la manière dont les femmes politiques sont critiquées sur leur manière de s'habiller, c'est quand même assez intéressant de voir comme dans tout le reste des champs de notre société, on a du mal à distinguer quand même la personne de son œuvre ou de son bilan. Mais il n'y a que dans le domaine de l'art qu'on considère qu'on doit... Non, moi je pense qu'on ne peut pas distinguer l'homme de l'artiste, puisque l'artiste puise dans son expérience, dans sa vie de tous les jours, pour produire son œuvre. Donc ça me paraît assez hypocrite comme débat. Moi je pense qu'on est vraiment... c'est un combat qui est légitime et symbolique. Oui. Le combat contre les violences sexuelles passe par la dénonciation des rapports de pouvoir qui permettent justement à ces violences sexuelles de s'exercer. Et c'est justement dans ces lieux de pouvoir, et on voit que dans le cinéma, Monsieur Polanski est très protégé et très soutenu, c'est justement dans ces lieux de pouvoir que la parole est la plus difficile à exprimer. Et les femmes ont tout à perdre à dénoncer ces violences. Elles ont tout à perdre parce que ce sont justement des personnes en position de pouvoir qui les exercent ou protègent ces prédateurs. Alors après, parce qu'on parlait de prédateurs, après l'affaire Weinstein, donc les hashtags, les balances tambours, les MeToo, alors on voit l'utilité, évidemment ça passe par les réseaux sociaux, on voit leur utilité, mais est-ce que c'est pas non plus à double tranchant les réseaux sociaux, où on se permet dans la lâcheté de l'anonymat de balancer des insultes sexistes, misogynes? Alors les nouvelles technologies, elles ont clairement permis des progrès technologiques énormes, et elles sont beaucoup utilisées justement par les militantes pour faire passer des idées féministes, pour mobiliser le plus grand monde. On l'a vu hein, au moment des grandes mobilisations pour le 25 novembre, tout s'est appuyé sur les réseaux sociaux pour interpeller, pour partager des analyses, des idées. Donc moi je pense que c'est des réseaux sociaux, des nouvelles technologies qui sont au service des activistes. Et on l'a vu aussi avec les Tumblr, paye ta schneck, paye ta robe, paye ta collaboratrice. Ces outils, ces nouvelles technologies ont permis de montrer que les expérience individuelle faisait système, puisque le cumul des témoignages montrait que finalement c'était pas des histoires individuelles et des mais qu'on était bien dans un système patriarcal et que face aux nombreuses victimes. Donc c'est des outils qui sont au service des causes et en particulier de la cause féministe. Oui. Mais ce sont aussi, vous avez raison de soulever ce paradoxe, ce sont aussi des outils qui sont utilisés d'abord contre les féministes avec des campagnes de harcèlement qui parfois les amènent à se retirer complètement des réseaux sociaux et à les priver de parole publique. Et ce sont aussi des outils qui sont utilisés dans un cadre plus conjugal ou dans un cadre privé, amical, pour harceler, pour contrôler la parole des femmes. Alors, il devrait juste 20 secondes. Donc, je vais vous poser une question à laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non. Vraiment, vous allez voir. C'est... J'essayais. Mais c'est... Dites-moi que ce combat contre les violences sexuelles, qui est archi-légitime, ne va pas faire baisser la garde sur un autre combat, c'est l'égalité salariale homme-femme. J'ai l'impression qu'on en parle moins, et ça reste toujours un problème extrêmement important. Donc ça reste quelque chose d'important, dites-moi oui ou non. Vous avez raison, et on en a quand même parlé dans le cadre de la réforme des retraites. Il y a des enjeux importants qui se jouent. Merci. De l'égalité professionnelle. Merci. Clémence Pajot, pardon de vous bousculer, mais l'heure, c'est comme ça en radio. C'est le jeu. Bah oui, c'est le jeu. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui chronique d'une lutte féministe, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour tout commentaire autour de notre émission si le cœur vous en dit. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Stéphanie Fromentin, Gaspard Valu, Romain Weber et Simon Maisonob. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Coyenne Guyenne, Hélène Visio, Benjamin Riquet.